que je vous demande de faire. Un standing ovation à zéro nom. À la guitare qui se cache derrière, c'est pas bien. À la clarinette, Joseph. Benjamin au saxophone.